On peut récolter. Madame, on peut récolter. Comment ils savent faire précisément cette musique dans des films qui sont des méchants? Mais les gens, ils croient vraiment. Thank you. semaine. Attends, j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. On ne veut pas mourir sur scène.